des jours derniers. Tous mes frères d'Afrique, j'ai un message. Tu crois qu'on essaie de sauver ce monde? Il s'agit plus pour nous d'emmener nos frères à la pierre tombale. Tu crois qu'on essaie de sauver ce monde? Mes souvenirs me déchirent lorsque j'évoque le passé, qu'il soit bon ou mauvais. Mes souvenirs me déchirent, le pire et le meilleur. Je crois qu'on l'a vécu ensemble, c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on s'est réduit en nombre. Nombre d'entre nous sont peut-être fous à ce jour, car nombre d'entre nous ont côtoyé la misère. Si très peu d'entre nous osent te parler de l'amour, c'est qu'aucun d'entre nous que sur le bitume, c'est la guerre. C'est la guerre dans nos rues, c'est la guerre dans le monde. À chaque seconde dans le monde, des bombes grondent, explosent, des gosses tombent en plus des par des mines. Technique de guerre, il faut mine de dire mes skins. J'estime qu'il est important de resituer le monde d'enculé dans lequel on se voit obligé d'évoluer. J'aime même plus si on n'a pas choisi, si nous réussirons ou si l'on a hérité de ce qu'on a mérité. Entre le mal et le bien, cousin, comprends cela, conséquence ou destin. Nos lignes de vie se sont à nouveau croisées. Mais va-t-on s'attirer vers le haut ou s'attirer vers le bas? On nous tient responsables de nos choix. Mais y en a qui n'ont jamais eu à faire ces choix-là. Mais c'est la vie, à ce qu'on dit on a beau se plaindre, parce que pour eux on se plaint, ça nous avance à rien. Toutes ces années, à nous déchirer, ça nous avance à rien de se plaindre, de gémir. Maintenant que notre passé est écrit, reste à craindre l'avenir. Mais ici, je te l'ai déjà dit, l'avenir ne veut plus rien dire. Quand on n'a pas de diplôme, donc de boulot ni de talent pour s'en sortir. Sachant qu'à venir les jours derniers, je voudrais pas crever avant que ma foi soit concrétisée. Mais trop jeune, j'ai côtoyé la pauvreté. Prends qu'on risque de me noyer, je fuirai la pauvreté. Et tu le sais comme moi, on a beau se la raconter, ouvrir un frigidaire vide, on sait tout ce que ça fait. Mais on dira toujours n'avoir manqué de rien, prosterné devant le courage de mes parents, devant le courage des tiens. On tient le bien, parti de rien, tourmenté, puissant face au destin de leurs gamins. Conscient de s'engager sur périlleux chemin, chacun d'entre nous se sait prêt à se salir les mains. Jusqu'à quel point je veux plus voir pleurer ta famille, non. Et très sincèrement, je tiens pas à ce que tu vois pleurer la mienne. Chacun ses limites, chacun maintenant on le sait. Si dans le passé je t'ai jugé pour tes faiblesses, tiens à m'en excuser. Faisant de même, en ce qui me concerne, n'essaie pas oublier qu'on se sauve si on s'aime. Si on s'aime, on s'entraide, si on s'entraide, élève. Et personne face à rien que ma fille dans sa même. Personne face à notre unité. Non, personne face à la cave Marcia n'osera lever le glaive. Toutes ces années, à nous déchirer. Sans condamner, sans jamais oser pleurer. À souffrir en silence. On souffre en silence. Condamné, incapable d'aimer. Originaire d'Haïti, mes racines sont l'Afrique, donc l'Afrique je revendique. Ouais, je le revendique. Même si on m'indique, ça devient risqué. Sachez que je suis pas de seul. Que le FN a mis au piqué. Lui et tu apprendras pourquoi Haïti souffra. Là, comprends que de droit je représente ma fille. Je renie pas son appartenance géographique aux Antilles. D'ailleurs, j'en place une pour ceux des nôtres qui sont des Antilles. Et puis j'aimerais dédier ceci au monde entier. Écrit sur ce papier ce qui me reste d'humanité. Moi je n'ai rien d'exemplaire. J'ai peut-être fichu ma vie en l'air. Je n'ai pas de leçon à faire, ni de morale à donner. Mais je sais, on crève si on se nie contre nous. La jalousie dans l'œil des miens, ça m'a toujours rendu fou. Et dites-vous, combien de nos ennemis auraient pu être des nôtres, s'allier à notre cause au lieu de nous pousser à la faute. Parce que je cause vrai, je t'avoue que l'amitié est fragile. Puisqu'au bout du compte, être la haine au bout du fil. Non, faut pas qu'on soit unis jusqu'à ce qu'une femme nous sépare. Faut que je sois sûr qu'en mon absence, tu garderas ma part. L'avarice est un vice, même si parfois on la glorifie. Fini de jouer à celui qui a le plus gros appétit. Car c'est la misère divise les gens, l'argent les pousse au crime. Et dès que tu cèdes au crime, lui succède que d'autres crimes. Ouais. J'entends en sens que la violence est un boomerang. À son retour, vaut mieux être prêt à la réceptionner. Pensez pour ceux qui sont déjà passés de l'autre côté, victimes du retour de flamme. Mon âme tenait à ce que j'écrive ces mots avant que nos vies ne prennent fin subitement comme ce morceau.